vais aller me coucher. Je ressors de l'auberge, direction l'arbre mort. Pas l'ombre d'une jeteuse de sort. Je n'ai pas rêvé.